Jean-Claude Balbeau, je suis éleveur, dans, paysan éleveur dans le Finistère et je suis administrateur du réseau Impact. Il va falloir que je maîtrise cette affaire-là. Je vais donc introduire le débat d'aujourd'hui. Alors, nos organisations adhèrent aux valeurs de l'éducation populaire, ce qui veut dire pour nous présupposer la capacité de chacun d'entre nous à savoir, non pas seulement commenter ou opiner, mais identifier des mécanismes, des fonctionnements, des raisons, des structures. C'est un processus d'enquête qui obéit à un parti pris éminemment laïque. Nous pouvons savoir et apprendre collectivement. Nous sommes éloignés, vous le voyez, d'une vision linéaire et descendante du transfert des savoirs, notamment technologiques. C'est appuyé sur ces convictions que nous nous sommes interrogés sur l'impact des politiques publiques agricoles sur le choix des modes de production. Ce travail, initié sur les fermes il y a quelques années, s'est traduit par l'édition d'un document intitulé Produire autonome et économe, qui, aujourd'hui épuisé, est en cours de réédition, et par la publication de plusieurs textes dont les intitulés reflètent la direction que nous avons suivie. La fiscalité du bénéfice réel agricole doit-elle continuer de subventionner l'accumulation des moyens de production? Revenu de l'exploitation agricole, une notion obsolète. EBE moins annuité égale revenu disponible, une formule trompeuse. En effectuant cette recherche, il nous est apparu qu'il existait des mécanismes d'évitement fiscaux, des partis pris de présentation comptable qui allaient à l'encontre des annonces faites par les pouvoirs publics sur la réorientation nécessaire de la politique publique agricole et rurale. Nous nous sommes alors interrogés sur cette contradiction, sur l'étendue de ce paradoxe, sur la possibilité que de telles oppositions traversent la mise en œuvre de la politique publique et entravent la volonté de changement affichée par ses concepteurs. Nous avons lancé un appel à collaboration pour approfondir cette recherche et reçu le renfort il y a un an de plusieurs chercheurs. Ce groupe de travail est celui qui vous invite aujourd'hui avec le soutien de plusieurs parlementaires. Nous souhaitons porter sur la place publique, et quel lieu plus symbolique que celui-ci pour le faire, cette question de la nécessité d'une autre évaluation de la politique publique, persuadée qu'il ne sera pas possible de produire autrement si nous n'évaluons pas autrement. Nous avons, au cours de l'année écoulée, acquis quelques convictions en la matière, et c'est cela dont nous voulons vous entretenir. Nous pensons qu'une évaluation menée rigoureusement montrerait que la politique publique agricole et rurale est peu cohérente. Des contradictions apparaissent de plus en plus en son sein, rendant difficiles les adaptations envisagées. Qu'elle est peu efficace, car ses objectifs en matière d'emploi et de capacité à nous nourrir sont grandement remis en cause actuellement. Et peu efficiente, car le coût de cette politique est élevé et mal apprécié, car fortement externalisé. D'où viennent ce manque de cohérence, d'efficacité et d'efficience? Nous pensons que ces difficultés sont dues au manque de pertinence de cette politique. Conserver comme objectif la compétitivité est-il compatible avec la situation économique actuelle, avec les attentes de nos concitoyens? Suffit-il de lui adjoindre, comme cela a été fait en 1999, le maintien de l'emploi en milieu rural et l'aménagement du territoire pour que cette compétitivité revendiquée devienne acceptable? La compétitivité s'établit aujourd'hui essentiellement, pour ne pas dire uniquement, sur le moindre coût du travail, la spécialisation et la concentration des outils de production. Elle s'appuie aussi sur une politique industrielle de volume, consommatrice d'énergie, et sur la vocation exportatrice de l'agriculture française, dont nous pourrions nous interroger sur les fondements. N'y a-t-il pas là des contradictions indépassables avec les objectifs affichés de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural, tel que défini par ailleurs dans le Code rural depuis 1999? Devant la profondeur de la crise qui frappe actuellement le complexe agro-industriel, licenciements en nombre et pertes de parts de marché, devant les échecs du système de production, son incapacité par exemple à installer des repreneurs, à procurer du revenu aux paysans, sa tendance lourde à les endetter, n'est-il pas souhaitable de se poser la question de la pertinence des objectifs poursuivis? N'est-ce pas là la voie pour retrouver la cohérence, l'efficacité, l'efficience? Nous avons choisi, avec l'aide de parlementaires sensibilisés à la nécessité d'agir plus vigoureusement, d'en débattre avec vous dès maintenant, compte tenu du calendrier des décisions politiques en discussion actuellement. La mise en œuvre de la PAC, dont nous souhaitons que la France utilise au maximum les possibilités européennes, déjà beaucoup trop timide à notre goût d'intervention pour le changement en agriculture, et aussi, bien évidemment, la loi d'avenir cadre français de l'application publique, de l'action publique, excusez-moi. Si nous comprenons bien l'impératif absolu de prendre des mesures urgentes pour rendre humainement soutenable la situation actuelle, nous souhaitons aussi que des mesures prises à cette occasion ne viennent pas grever les changements structurels attendus. Nous prétendons être praticiens de modes de production plus en adéquation avec les objectifs de la politique publique en termes d'emploi, d'équité territoriale, de moindres dépenses publiques, de moindres dépenses énergétiques. Déjà abondamment documentés et reconnus par les pouvoirs publics, ces modes de production sont difficiles à diffuser. Et il est probable qu'une des raisons de cette difficulté vient de l'évaluation actuelle et des contradictions qu'elle porte. Au-delà des notions de compétitivité et de productivité, nous voulons que soient pris en compte sérieusement les objectifs de qualité environnementale, de développement rural, de qualité des produits. Au cœur des débats de ce colloque, 5 orientations. S'écarter nettement de l'approche productivité physique du travail et compétitivité de l'agriculture française, portée par de nombreux organismes et économistes, agricoles ou non agricoles, pour valoriser la valeur ajoutée, les richesses créées par unité de produit, de surface, d'emploi, et d'élargir cette évaluation aux aspects énergétiques et environnementaux, et de fait à l'autonomie des exploitations par rapport à une conjoncture difficile et des dépendances de tout ordre. Ne pas limiter l'évaluation à deux grandes orientations de production, grande culture et élevage ruminant liés au sol, mais chercher à appréhender la diversité des systèmes selon les territoires et les degrés de diversification, spécialisation. Tenir compte des spécificités des zones de moyenne montagne, des diverses formes et dynamiques de polyculture-élevage. Si possible, prendre en compte les démarches de transformation et de circuits courts. Prendre en compte ces diversités en évaluant les systèmes dans les territoires définis à l'instar des travaux réalisés par Nadège Garambois, que j'ai aperçu tout à l'heure, sur les systèmes laitiers et allaitants dans le centre-ouest. Évaluer le rôle des firmes agroalimentaires, amont et aval, dans l'orientation des exploitations, ainsi que les freins ou blocages d'évolution vers des systèmes plus rémunérateurs et plus économes en capitaux investis et en quantité de travail. Évaluer l'impact des politiques publiques sur la dynamique des systèmes de production, en prenant en compte l'élargissement des critères, emploi agricole, durabilité écologique, diminution des externalités négatives, et à l'intérieur d'un type de système de production, les conséquences des politiques sur les effets de structure. Se donner les moyens de l'objectif de stabilisation de l'effectif national des exploitations agricoles. Notre travail se poursuivra après ce colloque par la promotion et la coordination de travaux entre enseignants, chercheurs et réseaux d'agriculteurs. Notre fonction n'est pas de tout faire nous-mêmes, mais d'organiser la coordination entre de multiples expérimentations personnelles et collectives, menées dans des cadres institutionnels variés qui démontrent les potentialités de réforme reposant sur l'expérience des paysans et de leurs réseaux, mais aussi les obstacles publics et privés au changement. Notre objectif, en nous appuyant sur ce rassemblement de connaissances paysannes, conforté par des chercheurs, est de produire des synthèses technico-économiques plus larges, permettant au pouvoir public d'être plus ferme en la mise en œuvre d'une politique de réforme de l'agriculture. Le colloque se déroulera donc en 3 temps. Des exposés liminaires, qui vont suivre mon introduction, une table ronde qui sera animée par Aurélie Trouvé et une discussion générale au cours de laquelle la parole vous sera donnée. Dominique Potier, que nous remercions pour nous avoir aidés à organiser ce colloque et tout particulièrement sa collaboratrice, nous ne manquerons pas de la remercier par ailleurs, je vous le garantis, mais c'est très difficile, je vous assure, d'organiser ce genre d'événement et vraiment merci. Dominique Potier donc dressera les conclusions de ce débat. Et laissez-moi tout simplement remercier aussi ceux qui ont œuvré pour que ce débat puisse se tenir dans des délais contraints par la conjoncture, les intervenants de la table ronde et plus particulièrement le professeur Philippe Barré, que vous verrez tout à l'heure, qui nous vient d'Outre-Quiévre, si j'ai bonne mémoire géographique. Et le réseau Impact tout entier, qui s'est mobilisé aujourd'hui pour la bonne tenue de cet événement, et en tant qu'administrateur et cotisant, la FNCIVAN encore plus particulièrement. Voilà, je nous souhaite une bonne soirée.